bien oublier que les enfants ont besoin d'être aimés. Tous les avions peuvent bien s'écraser, tous les mendiants peuvent bien crever, les médecins continuer à tuer et se draper dans leur intégrité. Les sans-papiers peuvent bien croire qu'un miracle sauvera leur histoire. Qu'ils meurent chez eux ou dans une gare, tant que leur corps ne salisse pas les trottoirs. Les soldats peuvent ne jamais revenir quand pour un pays il faut partir. À quoi pensent-ils lors du dernier soupir? Quand il n'y a plus de larmes à écrire. Tous les Corans peuvent bien arracher au sacrifice de tous ces simplets une question qu'ils ne savent pas poser. Est-ce qu'Allah rime avec sacrifier? Sourire et dire qu'il est la voix.